Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ha ha, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 15. Si tu nous rejoins pour la première fois, sache que nous t'embarquons maintenant dans un voyage étrange au cœur d'un monde intergalactique et foutraque. Bienvenue à bord de ce vaisseau spatio-temporel. La machine est prête et le cadran interstellaire nous indique dimanche 18 décembre 2005, 11h05. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es mort ou vif, tu es bandit de grand chemin, tu es Borsalino et mocassin en croco, tu es 22 v'là les flics, et tu es aussi... Oui, tu l'auras compris l'ami, ce matin, tu es gangster et tu n'as peur de rien. Ce week-end se tient à Hong Kong le sommet de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, où une fois encore, les puissants vont tenter un hold-up sur les profits du marché planétaire. Du coup, on a décidé au Mangin Palace de consacrer l'émission aux gangsters. Alors, à l'heure où certains braquent la Banque Mondiale, qu'est-ce que ça veut dire exactement être un mauvais garçon? Eh bien, dans l'heure qui vient, nous allons tenter de te raconter une histoire illustrée, mais attention, toujours décalée. Pour commencer, il faut recenser les grandes figures du banditisme. Ensuite, le créateur de la série noire chez Gallimard viendra te dire pourquoi les gangsters fascinent toujours autant les filles. Interview tout à l'heure de Patrick Reynal. Puis on essaiera de suivre la vie d'un malfrat imaginaire pour tenter de comprendre comment on bascule du côté obscur de la force. Et enfin, te raconter comment Jean-Claude a tenté de convaincre Monique d'organiser un casse il y a quelques jours. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace, alors bien sûr monte le son et haut les mains. Bad. En 1987, Michael Jackson est vraiment un mauvais garçon. Avec Bad, tube planétaire, Michael vole la première place des top 50 internationaux. Bad, c'est aussi un clip génial réalisé par Martin Scorsese, spécialiste des voleurs, des gangsters et des affranchis. Alors, pour commencer notre voyage immoral dans l'univers des marlous, des gredins, des larrons et des malandrins, il est nécessaire avant tout de définir ce qu'est un voleur, ce qu'est le vol. Le vol, c'est surtout l'action de s'accaparer ce qui appartient à autrui. Le voleur, c'est celui qui prend sans en avoir la permission. C'est mal. L'objectif du voleur est toujours le même, avoir de l'argent, de la thune, appelez ça comme vous voulez, moi je m'en fous. Du fric, du blé, de l'auberge, de la braise, des picaillons, du flouze ou bien du pèse, appelez ça comme vous voulez, moi je m'en fous, pourvu que j'en ai toujours plein les poches, plein les profondes, les fouilles et le morlingue, pour que mes ziguettes badour, petites fringues, et appelez ça comme vous voulez, moi je m'en fous, tout ce que je veux, c'est de pas sucer des clous. Alors, commençons cette émission sur les gangsters par un truc délirant. Imagine que la conférence ministérielle de l'OMC, réunie à Hong Kong jusqu'à ce soir, prenne soudainement conscience qu'une minorité s'accapare les profits produits par le plus grand nombre, autrement dit, du vol. Et imagine en outre que dans un souci de flexibilité et d'ouverture des marchés, l'OMC décide de libéraliser le secteur du vol. Pourquoi pas? Alors voilà, un nouveau secteur d'activité serait légalisé, celui du larcin. Des milliers d'emplois en vue, peut-être de quoi résorber le chômage, va savoir. Mais si tu veux te reconvertir dans le vol, sache que ça ne va pas être facile. Car ici, comme dans chaque secteur d'activité, il y a des spécialités. La panique au Mangin Palace va tenter de te guider dans l'univers complexe de l'économie du larcin. Alors, parmi les voleurs, tout en bas de la hiérarchie, tu trouves la petite frappe, le détrousseur, celui qui vole impulsivement, tout simplement pour obtenir ce qu'il désire. Ce type de voleur est souvent solitaire et toi, tu n'aimes pas du tout le croiser. J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au flipper, le type est entré dans le bar, a commandé un jambon beurre, puis il s'est approché de moi, puis il m'a regardé comme ça, t'as des bottes mon pote, elle me botte. Je parie que c'est les Santiago, viens faire un tour dans le terrain vague, je vais t'apprendre un jeu rigolo, à grands coups de chaîne de vélo, je te fais tes bottes à la baston, moi j'y ai dit, laisse béton. Il m'a filé une beigne, j'ai filé une torgnole, m'a filé une châtaigne, je lui ai filé mes grolles. Eh oui, la petite frappe, tu lui filerais n'importe quoi pour qu'elle se barre. Alors, si tu es décidé à te reconvertir dans le vol, tu n'es pas obligé de faire preuve de violence. Mais alors, il te faudra de la technique. Écoute ce flash inter du 5 juillet 1990. France Inter. Ça paraît incroyable, hier en plein après-midi, une petite toile de Renoir, la femme assise, a été dérobée dans une salle du musée du Louvre, au nez et à la barbe du gardien. Le voleur a tout simplement découpé la toile au cutter. L'alarme ne s'est pas déclenchée. Une heure plus tard, même scénario au musée Ernest Hébert. Le portrait de Mona Lucia disparaît en deux temps, trois mouvements. Pour le directeur adjoint des musées nationaux, Alain Brandenburg, ces vols sont l'œuvre d'un professionnel de talent. Il y a quelqu'un qui a utilisé un cutter et qui a découpé extrêmement soigneusement la toile en se servant du cadre lui-même pour tirer son cutter. Ça s'est fait en, à mon avis, quelques secondes. J'ai l'impression que la personne qui a découpé le Renoir l'a fait avec une telle agilité parce que le bois n'est pas attaqué par le cutter, qu'il n'a pas fait fonctionner la détection. Quand on a regardé de près le tableau, à la fois celui du Louvre et celui de Hébert, et c'est la chose la plus surprenante, quand vous prenez une lame de rasoir et que vous découpez un papier sur une planche, vous laissez sur la planche un trait. Or, il n'y a pas de trait. Maintenant, tu sais que le cutter ne doit pas laisser de marque dans le bois pour ne pas te faire choper par les gardiens du musée. Voleur solitaire, tu vois, ce n'est pas mal. Mais si tu veux faire carrière chez les malfrats, le plus facile, c'est d'intégrer une bande. Et pour mener à bien un coup, il te faut une équipe. La police, elle, parlera de complices. Tiens, par exemple, les cambrioleurs sont souvent deux. Un qui fait le guet et l'autre qui dérobe. La bande, c'est un grand classique chez les malfrats. Nous étions 20 ou 30 brigands dans une bande. Tous habillés de blanc à la mode des, vous m'entendez? Tous habillés de blanc à la mode des marchands. La première volerie que je fis dans ma vie, c'est d'avoir goupillé la bourse d'un, vous m'entendez? c'est d'avoir goupillé la bourse d'un curé. Goupiller la bourse d'un curé, c'est pas terrible, hein. Alors, si tu as mauvaise conscience, tu as toujours une alternative, redistribuer une partie de tes gains aux plus pauvres. On m'appelle Robin des Bois, je m'en vais par les champs et les bois, et je chante ma joie par-dessus les toits. Robin des Bois, le voleur héros si sympathique qui gambade dans la forêt de Sherwood, volant aux riches pour donner aux pauvres, a une influence intellectuelle réduite sur les grands penseurs réunis ce week-end à Hong Kong. Du coup, dans ta recherche d'une formation te permettant d'embrasser la carrière de bandit, la panique au Mangin Palace te conseille plutôt de suivre l'exemple des aînés des valeurs sûres. À la Société Générale, une auto démarra, et dans la terreur, la bande à bonhomme mit les voiles, en portant la sacoche du garçon payeur, dans la deux dion mouton qui cachait les voleurs. Octave comptait les gros billets et les valeurs, avec Raymond la science, les bandits en auto, c'était la bande à bonhomme. C'était la bande à Bono, une bande de furieux responsable d'un vrai charivari dans la France Inter des professionnels. Tu l'as compris maintenant, la carrière de malfrat est assez complexe. Il y a les exécutants, les décideurs, les cadres, les chefs. Tout cela dépend de ton expérience et de ta capacité à t'investir dans l'équipe. Cela dépend aussi de tes diplômes. Si tu es un vrai cerveau, tu peux vraiment réussir dans le métier. Il y a des précédents, comme en 77. Même si certains titres de journaux emploient des qualificatifs flatteurs pour parler de l'agilité de Spaggiari et de son évasion hier après-midi du cabinet du juge d'instruction de Nice, malgré cela, il ne faut pas oublier qu'Albert Spaggiari a cambriolé une banque, qu'avec une vingtaine de complices, il a vidé plus de 300 coffres et qu'il a volé quelques 100 millions de francs. Spaggiari, pour le moment, s'est donc évanoui dans la nature. En une seconde, il a ouvert la fenêtre du bureau du juge d'instruction, il a fait un bond de 8 mètres, il s'est récupéré en roulé-boulet sur le toit d'une voiture et un complice l'a pris en charge sur une moto japonaise. À partir de là, la nouvelle enquête a commencé. Des centaines de policiers, un millier même, sont mobilisés pour retrouver sa trace sur la Côte d'Azur et ailleurs. Un contrôleur général de la police était dès hier soir à Nice. Il va rédiger un rapport. On remarque d'ailleurs que 13 policiers surveillaient Spaggiari, mais il faut remarquer aussi qu'un prévenu dans le cabinet du juge d'instruction est sous l'autorité du magistrat. En tout cas, le ministre de l'Intérieur, ministre d'État Michel Poniatowski, pourrait avoir entre les mains ce rapport dès ce soir. Le prince Michel Poniatowski n'était pas un voleur, mais partageait avec Spaggiari une attirance non dissimulée pour l'extrême droite. Spaggiari perçait les coffres, Ponia voulait le coffret. Mais tous les deux se retrouvaient dans une vision du monde brun, où policiers et voleurs seraient bien blancs. Alors pour terminer, il faut que nous te parlions des perspectives de carrière dans ce secteur ouvert qu'est le banditisme. Il faut gravir les échelons et promotion après promotion, tu peux atteindre le poste de dirigeant de multinationale. Là, tu deviendras un vrai caïd au pouvoir insoupçonné, peut-être membre de l'OMC. Là, tu pourras obtenir ce que tu veux. Cela dit, quand tu auras atteint le sommet de la hiérarchie, attends-toi à être sollicité. Si je pouvais avoir le rôle dans le film, ça me relancerait, ce serait bien. Mais le type là-bas, le producteur, il refuse de me donner le rôle. Comment il s'appelle ? Volz. Et le rôle, il veut pas me le donner. J'ai aucune chance. Alors je sais pas quoi faire, parrain. Je sais pas quoi faire. Conduis-toi comme un homme ! Qu'est-ce qui te prend, mon Dieu ? C'est ça que tu es devenu un jeune premier d'Hollywood et qui pleure comme une femme. Ah ah ah, j'ai ma voix verte. Qu'est-ce que c'est que ces façons? Tu passes du temps avec ta famille? Bien sûr, parrain. C'est bien. Parce qu'un homme qui ne se consacre pas à sa famille ne sera jamais un homme. Viens ici. La mauvaise mine. Là où tu manges. Là où tu te reposes. Et dans moins d'un mois, ce producteur d'Hollywood te prendra pour le rôle. C'est trop tard. Ils vont tourner dans une semaine, alors. Je vais lui faire une offre qu'il ne refusera pas. Eh oui, il y a des offres qu'on a bien du mal à refuser. À Cancun, en 2003, les pays du Sud ont pourtant refusé l'offre des pays du Nord lors du précédent sommet de l'OMC, qui a donc échoué. Voilà, nous, on a simplement voulu t'aider dans une éventuelle reconversion chez les malfrats. Maintenant, c'est toi qui vois, mais si tu choisis le métier de voyou, attends-toi à côtoyer des gens bizarres. Il a un prénom de fleur et des cheveux qui s'en vont, et ses grosses mains d'étrangleur sentent le savon. Hyacinthe, Hyacinthe, je lui confierai pas ma sœur, je refuserai son parapluie et je prendrai pas l'ascenseur. Tout seul avec lui, Yassin. Padam, padam, padam. Yassin. Padam, padam. Même s'il sent la camomille, même s'il propose des cachous, même si je me sens en famille, en présence d'un fou. Padam, padam, padam, padam. Yassin. Padam, padam, padam. Il a un rire de fillette quand un oiseau du Seigneur, dans ses grosses mains d'étrangleur, vient manger des miettes. Yassin. Padam, padam, padam. C'est peut-être moi qui déraille, mais si j'étais une caille, j'aimerais mieux mourir de faim que de manger dans la main de Yassin. Padam, padam, padam. Yassin. Padam, Yassin. Padam, padam. Yassin. Padam, padam. Yassin. Padam, padam. Padam, padam, padam. C'est formidable le boudin, on en fait jaunir plus d'un. Parce qu'avec un herbe noir, il brise une noix. Moi-même je change de couleur, je me sens devenir liquide. Je me sens tomber dans le vide quand Hyacinthe l'étrangle croise le chemin. Cheveux rares, barbe noire, je rajoute un entonnoir dans un coin de mon cahier. Je fais le portrait de Yassin. Malgré mon très flaqué de feuilles, ma médaille de communion, je vais plus au WC tout seul, sans appréhension. Yassin. Hyacinthe, interprété par Thomas Fersen sur son nouvel album intitulé Le Pavillon des Fous, parce que pour devenir gangster, faut tout de même être un peu taré. Alors, pour continuer notre voyage parmi les bandits, après avoir dressé un portrait des différents types de gangsters, il est temps maintenant de s'intéresser à la fascination que provoquent ces mauvais garçons chez certains d'entre nous. Pour commencer, il faut bien reconnaître que ces mecs ont toujours su parler aux filles. Toi, quand tu as repéré une nana, bien souvent tu bafouilles, tu cherches les mots justes qui te permettraient à la fois de faire transpirer ta virilité, tout en faisant croire à la donzelle que dans ces moments-là, tu sais aussi penser avec ton cerveau. Bref, tu es souvent maladroit. Le gangster, lui, ne s'encombre pas de toutes ses civilités avec les femmes. Il est gangster, donc il attaque direct, et en plus, il connaît ses classiques. Je peux dire je t'aime en toutes les langues sans me parler. Ensemble, on tient la route, ma louloute, comme une harlée. C'est Michel-Ange, mon ange, qui t'a dessiné. Excuse-moi, mais mes ailes, il y a longtemps qu'elles ont brûlé. Spécialement dédiées à l'as des as. Et toutes les miss, madame, qui ont la grande classe. Vous les femmes, vous les femmes, vous le charme, vous le charme. Nous attire et nous désarme. Et nous désarme. Vous les anges. Vous les anges. Adorables. Adorables. Et nous sommes, nous les hommes, pauvres diables. Toujours dans le registre de la séduction, un gangster ne se fait jamais chambrer. Donc, il n'a jamais peur du ridicule, puisqu'il ne l'est jamais. Du coup, il dispose de tout un arsenal de dragues auxquelles tu n'oserais songer. Prenons par exemple le message d'accueil que tu as enregistré sur ton téléphone portable. Sans doute un truc classique, très courtois, avec ton nom, promettant que tu rappelleras très vite et en fond sonore, tu as glissé la musique d'une série télé que tu aimes bien. Certes, c'est très sympa. Mais le gangster, lui, quand une nana l'appelle et qu'elle tombe sur sa boîte vocale, c'est pas pareil, hein ? Écoute bien. Je rôle dans ton message comme De Niro dans un rôle de salaud au cinéma. Et tu le sais gars, c'est Stomy Bugsy dans ton téléphone. Alors miss madame, laisse des messages de cochonne. C'est sûr qu'avec un message pareil, même madame le juge qui chercherait à joindre son gangster pour le convoquer au tribunal pourrait bien elle aussi se laisser aller au téléphone à un petit message de cochonne. Et c'est bien là le truc incroyable, parce que si on admet qu'un bandit dégage une puissance érotique certaine, il faut savoir que les femmes y sont très sensibles. Jusqu'à présent j'adorais les voyous, les petits pectons en casquette, mais en Broadway je suis chippé tout à coup par un coquin bien plus chouette. qui gronde à mon travers. Et en moins d'une seconde, il sort ses deux revolvers. Il est gentil, mon gangster. En réalité, si les femmes sont séduites par les gangsters, c'est parce qu'ils sont toujours à la frontière du danger et de la mort. Et de ce fait, les bandits incarnent dans l'esprit des femmes l'idée d'une aventure romanesque excitante, blottie dans les bras d'un gros calibre. Les gangsters n'ont peur de rien, et quand ils braquent une banque par exemple, les femmes ont toujours pour eux une forme d'admiration, comme ce 26 mai 1984. Bonjour. À Boulogne-Billancourt, ce sont des émules du gang des postiches qui ont réussi à éventrer plus d'une soixantaine de coffres. Sylvain Augier s'est fait raconter ce nouveau casse spectaculaire par un témoin. J'ai bien vu l'air 30 qui est arrêté parce qu'en secouant mon chiffon, je regardais un peu comme ça. Et puis je les ai vus monter dans leur voiture. J'ai vu l'air 30 et j'ai vu un gars, la portière avant était entrouverte. Et j'ai vu le gars avec le masque, puis je me suis dit, tiens, c'est carnaval. Puis vous savez, j'ai pas fait attention, quoi. Je me suis dit, c'est carnaval. Et puis j'ai vu avec un gros sac. Oh, bah, j'ai dit, mince, ce serait bien le gang des postiches. Et puis il est monté dans la voiture et la voiture roulait au pas. Et après, elle s'est arrêtée. Il y a un deuxième qui est monté, mais à l'arrière et avec un autre gros sac. C'est-à-dire, ils avaient des masques sans la tête? Ah oui, des masques de carnaval, hein, le masque de carnaval. Ils sont sortis précipitamment de la banque? Ils n'avaient pas l'air de se presser, hein, et qu'ils sont montés bien gentiment dans la voiture. Hein. Pas comme des gars qui s'en vont en courant parce qu'ils ont peur de que quelqu'un les suive ou quoi. Hein. Vraiment tranquille, hein. On sent que les gars, ils font ça et que on a l'impression qu'ils n'ont pas peur. Hein. À l'inverse, pour nous les hommes, c'est la trouille qui provoque chez nous une admiration pour le gangster. On aimerait bien posséder son panache, son courage, sa vie de bohème. Et d'ailleurs, loin de nous, l'idée de venir contrarier le chemin du gangster. Laissez passer les voyous, v'là les grands voyous. V'là les grands voyous, v'là les grands voyous. Oh, bonjour monsieur. Oh, vous savez, moi je suis un tout petit voyou, hein. Si les hommes sont également fascinés par les bandits, c'est parce que finalement, ces derniers ont choisi une vie bien plus facile que la tienne. Un bandit ne conduit pas ses mômes à l'école à 8h du matin, il dort. Un bandit ne s'est pas endetté sur 20 ans pour payer sa bicoque, il a braqué ta banque. Un bandit n'est pas torturé par sa femme pour savoir quelle robe lui va le mieux ce soir, il lui en achète une nouvelle chaque jour. Un bandit ne part pas en vacances au Club Med, il possède 3 énormes villas en Corse. Et oui, tout cela te fascine, mais bon, devenir gangster, l'ami, ça se mérite. J'ai bouffé du cannibale, j'ai même digéré des balles, il en faut pour que je m'emballe. J'ai discuté, car des bataillons d'Afrique, je porte la marque de fabrique, et voilà tout le portrait, d'un tatoué dans dur dans vrai. Alors, pour enrichir notre enquête sur l'univers des gangsters, nous avons joint cette semaine au téléphone le fondateur de la série noire chez Gallimard, un homme qui lui aussi est fasciné par ce monde de l'ombre, à savoir l'éditeur et romancier Patrick Reynal. Pour commencer, nous lui avons demandé s'il avait déjà fréquenté de vrais gangsters. Réponse, juste après le jingle. C'est cadeau VIP, 100% VIP. Ça le fait, ça le fait. D'abord, j'ai fréquenté des ex-gangsters, des gens qui s'étaient reconvertis après pas mal d'années de prison, comme Bess, le copain de Mesrine, qui est l'auteur de QHS, et qui, après sa prison, s'est complètement reconverti, a écrit des livres et n'est plus jamais retombé. Je me souviens que c'était un type à qui personne n'aurait jamais eu l'idée de mal parler, comme on dit dans le... Et pourtant, il n'était plus. Mais c'était quelqu'un de très, très, très impressionnant. Il avait des yeux complètement froids. Il était absolument superbe, extrêmement mince, extrêmement musclé, à 40-45 ans. Et il avait vraiment la tête de l'emploi, c'est-à-dire que c'était pas quelqu'un qu'on avait envie d'aller chauffer, si vous voulez. C'était manifestement un type qui avait choisi de mener une vie de danger et puis qu'il avait mené jusqu'au bout, quoi. Et puis, c'est vrai, j'ai oublié que j'en ai fréquenté un quand même pendant 2 mois, quand j'étais en prison pour raison politique à Nice, où j'ai passé un mois en prison. Et je me souviens que mon voisin était un grand truand qui s'appelait Casanova, qui était là pour meurtre, qui tenait une boîte de nuit de Nice et qui était le caïd du quartier, enfin du quartier cellulaire, qui cantinait, c'est-à-dire qui mangeait pas du tout la nourriture de tout le monde, qui était toujours même en prison assez bien sapé et qui était comme ça très, pendant les promenades, très très entouré, comme on voit au cinéma, très entouré par les petits truands niçois. qui cherchait à se faire remarquer et puis qui lui marquait absolument son respect. Il avait l'air très sympa, ce Casanova, impressionnant lui aussi sans doute. Mais justement, Patrick Reynal, comment expliquez-vous la fascination que provoquent les gangsters, et notamment chez les filles ? D'abord, la plupart du temps, ces mecs commençaient très souvent comme macro. Et macro, il faut quand même avoir de quoi plaire aux filles. C'est-à-dire que c'était des beaux mecs, c'était des jeunes mecs beaux. En plus, c'était des gens qui avaient toujours la main à la poche, qui se montraient évidemment très généreux la plupart du temps, qui arrosaient au champagne, qui invitaient les filles, qui avaient des bagnoles luxueuses, des gourmettes en or, si on aime. Et il y avait ce côté aventureux, ce côté marginal. C'est le côté je vis en marge de la société, je claque mon fric en fringues, en bagnoles et en bijoux, parce que je suis un peu près de la mort et de la prison. Et puis c'est des mecs, voilà, dans la tête des filles, c'est des mecs. C'est-à-dire, c'est des gens qui savent faire. Alors ça veut tout dire, savoir faire avec les filles, savoir faire. Il y a ce côté dangereux, si vous voulez. Et moi, tous ceux que j'ai vus, que j'ai rencontrés la plupart du temps, c'est quand même des gens qui ont l'air dangereux. Hein. C'était Patrick Reynal pour La Panique au Mansion Palace. Son of the 70s, chanson interprétée par le groupe Smooth, qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas un groupe de Manchester, mais un groupe de Nantes, parce que tout le monde sait que dans les prisons de Nantes, il y avait un prisonnier, il y avait un prisonnier. Voilà, ça c'est fait. Alors, pour poursuivre notre exploration du monde des gangsters, après avoir tenté de t'expliquer pourquoi les bandits nous fascinent tant, il est temps désormais d'essayer de comprendre comment un homme peut basculer du côté obscur de la force pour s'embarquer dans la vie d'un malfrat. Et pour être suffisamment clair, nous avons décidé d'inventer une histoire que nous allons maintenant te raconter. Il était une fois un petit garçon modèle. Enfant unique, issu d'un milieu modeste, ce môme n'avait pas connu son père, mort dans les mines du nord de la France, suite à un coup de grisou. Brocardé par ses petits camarades à l'école, il fut surnommé Jacou le Croquant. Orphelin de père donc, ce petit homme soutenait beaucoup sa mère dans les travaux domestiques. Un matin, comme à son habitude, il décida d'aller faire le marché place de l'église. Et c'est ce jour-là que tout a basculé devant le stand des fruits et légumes où le môme fut injustement accusé d'un vol par les adultes. Tu as volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé l'orange. Tu as volé, a volé, a volé l'orange du marchand. Non. Tu as volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé l'orange. Tu as volé, a volé, a volé l'orange du marchand. Vous êtes fou, c'est pas moi, j'ai pas volé l'orange, j'ai trop peur des voleurs, j'ai pas pris l'orange du marchand. Reconnu coupable à tort, le môme dut passer quelques jours en maison de correction. Son sentiment d'injustice fut si grand que le jeune garçon décida alors que sa vie ne serait plus jamais la même. On ne devient jamais gangster sans raison. De retour à l'école, le môme recruta 3 lascars, dont il devint le chef de bande pour semer la terreur à la récré. Tout petit à l'école, à la place de crayons, ils avaient des limes. En guise de cravate, des cordes de lin. Ne vous étonnez pas, c'est leur tout premier crime. Puis d'avoir fait mourir leur maman de chagrin. Tacada, tacada, voilà les Dalton. Tacada, tacada, voilà les Dalton. C'était les Dalton. Tacada, tacada, y'a plus personne. Désormais totalement orphelin, la suite ne fut qu'une escalade de violence. Le môme multiplia les vols, redistribuant le butin à ses lieutenants. De ses jours en prison en évasion spectaculaire, le gamin, devenu adulte plus vite que les autres, se constitua un casier judiciaire qui aurait pu donner le vertige à Jean-Charles Marchiani. Cela dit, l'amour transmis par sa mère ne disparut pas totalement. Ainsi, après de multiples conquêtes féminines, notre gangster tomba sincèrement amoureux d'une jeune femme, une bombasse comme il disait, qu'il convertit au banditisme pour devenir avec elle un couple aussi célèbre que leurs idoles. Chaque fois qu'un policeman se fait buter, qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer, pour la police ça ne fait pas de mystère. C'est signé Clyde Barrow, Bonnie Parker, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. La vie continuait et il fallait bosser toujours plus pour gagner sa croûte. En général, notre couple de gangsters cambriolait en famille certaines casbahs, souvent épaulées par un associé de fortune. Mais un jour, il y eut un gros problème. Lors d'un cambriolage, les propriétaires se sont pointés trop tôt. Et alors, finalement, vous nous avez piqué beaucoup de trucs? La routine. Bijoux, fourrure, argent liquide. Rien de vraiment bouleversant. Les pauvres, ils risquent leur liberté pour nous voler notre ennui. Oh, mais on s'amuse bien, madame. On peut pas croire. Eh ben, vous avez de la chance. Parce que nous, on se fait chier. Pourtant, vous avez une bien jolie maison. Vide. Sans âme. Un piano sans musique. Des toiles abstraites qui glacent le sang. Et tout ça, pour quel bonheur? Pour quel sourire? Bon, ben, à mon avis, on va pas s'éterniser. Pourquoi vous dormiriez pas là? On a plein de chambres d'amis et elles sont toujours vides. La prochaine fois, si vous voulez. Pour ce soir, ça tombe mal, on a encore beaucoup de maisons à visiter. Vous n'avez pas confiance? Ah, c'est pas du tout une question de confiance. Vous avez peur qu'on en profite pour appeler les flics? Des gens comme vous, ça m'étonnerait. Ben, j'avais un revolver dans ma poche. Et vous êtes tellement sympathique que l'idée de m'en servir m'a même pas effleuré. Vous aussi, vous êtes très sympathique. Et rangez votre pétard, vous serez encore plus sympathique. Moi, je vous propose un truc. Ma femme va mettre son déshabillé noir et on va se faire une jolie petite partie. Une partie de quoi? Jambes en l'air. Garçon, fille. Le genre mélange. Ça vous tente? C'est-à-dire que... Mais c'est-à-dire que vous avez pas tellement le choix. Parce que moi, je vous tiens au bout de mon arme. On va vous rendre ce qu'on vous a volé, monsieur. On a bien bouffé, on a bien bu, c'est déjà pas mal. Épuisé par cette nuit rocambolesque, et surtout recherché depuis longtemps par toutes les polices, notre bandit décida alors de lever le pied quelque temps. Et c'est lors de cette retraite temporaire qu'un soir, notre gangster fit une étrange rencontre. Alors qu'il sirotait un whisky glace dans un bar d'hôtel enfumé à Nice, une femme sublime s'approcha de lui pour se rappeler à son souvenir. Nous avions 10 ans à peine. Tous nos jeux étaient les mêmes. Aux gendarmes et Cette femme sublime avait été en réalité son premier amour il y a bien longtemps, avant même que notre gangster ne se fasse accuser d'avoir volé l'orange du marchand. Bouleversé par cette rencontre inattendue et empêtré dans le souvenir mélancolique de cette époque où sa mère vivait encore, notre bandit fut pris tout à coup de remords quant au choix de cette vie hors la loi. Le lendemain, il prit la route pour Paname, soulagé d'avoir choisi de ranger son flingue. Cela dit, malheureusement pour lui, aux portes de la capitale, ce fut la fin de la cavale. Mais Harry, à Paris, n'a pas eu de chance. On le stoppe sur le périph' avec sa diligence. Puis on le place à Fresnes, pour que Fresnes le freine. Victime des directives de ce que l'on appelle le nouveau western. Le nouveau western. Et oui, en filature depuis plusieurs semaines, les forces de police finirent par lui mettre la main dessus. Condamné pour de nombreux chefs d'accusation qui, là encore, feraient pâlir Jacques Rosemary, notre gangster écopa de plusieurs années de tôle. Dans le panier à salade qui le conduisit du palais de justice à la cellule, notre bandit désira passer un ultime coup de fil à sa compagne de fortune. J'ai le droit de me taire et fumer en gardant mes menottes au poignet sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Chez toi, je ne fais que passer sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Figure-toi qu'aujourd'hui, notre gangster s'est encore évadé. Alors qu'il avait le désir de payer sa dette à la société, il a été accusé à tort une nouvelle fois d'avoir volé une orange, celle de son compagnon de cellule cette fois. Du coup, il est reparti en cavale et doit sans doute se la couler douce sur une île des Caraïbes où il sirote des ponches coco et mate des clips sur MTV. Hey, how you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number and I'll get back to you. Hey, how are you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number and I'll get back to you. Once again it's another rap bandit feeling an eye and I can't stand it. Wanna be down with the day glow. Knocking on my door saying hey yo yo. Knocking on my door saying hey yo yo. I got a funky new tune with a fly banjo. I can't understand what the problem is. I find it hard enough dealing with my own biz. How they get my name and number? Then I stop and think and wonder about a plan. Yo man, I gotta step outside. You wanna call me up? Take my number down. It's 2-2-2-2-2-2-2. I got an answer machine that can talk to you. It goes, hey, how you doing? Sorry you can't get through, but what's your name and your number? And I'll get back to you. Yo, check it. Exit the old style, enters the new. But nothing's new by being hawked by a few. Or should I say a flock? Cause around every block there's Harry, Dick, and Tom with a demo in his bone. Now I'm with helping those who want to help themselves and flaunt a nut that's doggy as a dough. But it's not the move to hear the tales of limousines and pails of money they'll make like a pro. I be like, yo, black display made a tape. Well, actually show the time is fair or just make. But the songs created in they shacks be so wick, wick, whack. Situations like this, I now hate niggas. Give me smiles, Kool-Aid wide and ass. What's it that? And with the straightest face, I'd be like, hell yeah. I slip yes, them the digits of Papa Prince Paul, so I don't go AWOL, but yet I know when they call, they get. Hey, how you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number, and I'll get back to you. Hey, how are you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number, and I'll get back to you. Check it out. Ring, ring, ring. Le groupe De La Soul en 1991, parce que pour s'imposer, le trio De La Soul a dû rivaliser avec le gangsta rap, le rap des gangsters du Dr. Dre sur la côte ouest des États-Unis. Alors, pour poursuivre notre cavale infernale dans l'univers des gangsters et autres voleurs de petits et grands chemins, il est temps maintenant à 11h45 de retrouver nos deux brutes au grand cœur, les formidables Monique et Jean-Claude, qui ont eu maille à partir avec une bande de brigands. En effet, la semaine dernière, alors qu'il errait dans les grands magasins à la recherche désespérée de cadeaux de Noël pour Monique et les enfants, Jean-Claude a rencontré par hasard Lucien. Lucien, C'est un vrai voyou, un ancien pote de lycée avec qui Jean-Claude a fait les 400 coups avant de se ranger des bécanes. Jean-Claude, il est super content de le revoir, ce Lucien. Ça fait quand même vachement plaisir de te retrouver, mon pote Lucien. Je parie que t'es encore sans un et t'as toujours ton blouson de cuir. T'as pas changé depuis 68, à cette époque on se fendait la gueule. Aujourd'hui t'as l'air un peu seul. Allez bien, on va se prendre une cuite. Et dis-moi, Lucien, où c'est qu'elle est ta bande? Maintenant qu'est-ce que tu glandes sans tes copains? Lucien le voyou explique à Jean-Claude qu'il est sur un coup, une affaire assez facile, un petit braquage qui va lui permettre de se refaire. Jean-Claude veut tout savoir, mais Lucien ne veut pas en dire plus. Jean-Claude en sera informé bien assez tôt. Jean-Claude, qui a su conserver l'âme d'un aventurier, et tout est moustillé, il se voit rafler la caisse. Jean-Claude s'imagine déjà participer à un hold-up incroyable, un casse à faire pâlir Spaggiari. Il aimerait que Lucien le mette sur le coup. Jean-Claude veut convaincre son vieux pote qu'il est capable de faire le casse avec lui et le lui dit. Quand pour un hold-up dans une banque j'ai des boules, j'ai même pas besoin de mettre une cagoule. Je me pointe à visage découvert et tout le monde met les mains en l'air. Je suis un gangster. Jean-Claude se voit bien dans la peau d'un gangster. À peine rentré à la maison, il réunit toute la famille dans le salon, Monique et leurs enfants, Rémi et Elsa, qui se demandent bien ce que leur père a encore pu inventer. Allez, c'est décidé, on le fait. Quoi donc, papa ? Un hold-up. Un hold-up ? Un hold-up, la banque en face, un hold-up. Je ne trouve pas ça tellement drôle, surtout dans les enfants. Écoutez, je vous dois la vérité. Je vous dois la vérité. Toutes nos économies, la réserve, comme dit Gérard, la réserve. Comment ? Disparu. Disparu. Disparu. Attaquer une banque, c'est un métier. Mais nous avons des armes, on a plein d'armes. Ah non, moi je supporte pas la vue du sang. Mais on leur fera juste peur avec un bas de soie sur la figure. Et une bagnole volée pour brouiller les pistes. Voilà. Tout le monde s'inquiète un peu. Mais qui est ce Lucien ? Est-ce qu'il est dangereux ? Jean-Claude met toute sa fougue pour les convaincre qu'il n'y a aucun danger, que Lucien n'est pas un cave, qu'il est réglo. Les mauvais garçons, s'ils donnent des coups, ne sont pas méchants, je vous l'avoue. C'est qu'ils en ont reçu de partout. Rémi est convaincu, Monique et Elsa restent un peu méfiantes. Mais ce qu'elles n'avouent pas, c'est qu'en fait, elles aimeraient bien le rencontrer, ce mauvais garçon, ce gros dur, coquine. Bon, c'est pas tout ça, mais maintenant qu'il en a parlé à toute la famille, Jean-Claude se fait un devoir de s'entraîner. Il se fabrique une cagoule avec un vieux bas de Monique, prend une banane en guise de revolver et s'installe devant la glace de la salle de bain. Pour réussir un hold-up, il faut répéter. Les mains en l'air, sans exception. Mon revolver marche pour de bon. Ne vous étonnez pas si je tremble un peu. C'est mon premier hold-up, je suis nerveux. J'entends mon cœur qui bat très fort. Je n'ai pas peur, no. C'est un hold-up, hold-up. C'est un hold-up, hold-up. Jean-Claude s'admire dans la glace en train de simuler un braquage. Il ne sait pas que son fils Rémi, caché derrière la porte, le regarde. Monique, elle, commence à rêver. Et si ça marchait ? Elle se voit déjà jouer le rôle de Bonnie au bras de Jean Clyde. Monique se précipite pour embrasser passionnément son voyou de mari. Mais avec le bas sur la tête, c'est un peu compliqué. Monique essaie quand même. Le risque, Monique, ça l'excite. Oui, Monique, elle est prête à suivre le Jean-Claude jusqu'au bout de son aventure. Ils deviendront un couple mythique. Leur vie ne sera pas métro, boulot, dodo, mais braquage, champagne et caviar. Cela dit, attention, Monique met tout de même en garde le Jean-Claude. Si on était à Chicago, si c'était la prohibition, je ne donnerais pas cher de ta peau, tu ferais bien de faire attention. Monique et Jean-Claude sont enlacés, regardant ensemble dans la même direction. Jean-Claude a un vieux bas sur le crâne et une banane revolver à la main, mais ils s'en foutent, une nouvelle vie s'annonce pour eux, une vie d'aventure. Quand tout à coup, leurs doux rêves sont brutalement interrompus. C'est bizarre. C'est Lucien avec un autre type. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Et pourquoi ce flingue à la main? Jean-Claude, lui, ne sait pas trop quoi faire avec sa banane. Monique, elle, a tout compris. Le casse projeté par Lucien, c'était de détrousser Jean-Claude. Face à aussi peu de morale, Jean-Claude est abasourdi. Il regarde Lucien droit dans les yeux et lui dit « Quitte à tout prendre, prenez mes gosses et la télé, ma brosse à dents, mon revolver, la voiture, ça c'est déjà fait. Avec les interdits bancaires, prenez ma femme, le canapé, le micro-ondes, le frigidaire, et même jusqu'à ma vie privée, de toute façon à découvert, je peux bien vendre mon âme au diable. » Lucien et son complice ne se font pas prier, ils embarquent tout ce qu'ils peuvent dans un gros sac. Les deux voleurs vont partir quand Jean-Claude, dépité, les interpelle. Quitte à tout prendre, n'oubliez pas le shit planqué sous l'étagère. Leur forfait accompli, les voyous s'apprêtent enfin à partir quand Lucien, un peu dragueur, regarde Monique et dit « Ouais, je laisse tout de même ici le plus beau des bijoux, cocotte. » Monique est toute chamboulée mais ne se laisse pas aller. Les voyous déjà loin, alors que Jean-Claude mange sa banane, Monique téléphone à la police et donne le signalement de ce Lucien. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon, semait la terreur dans toute la région. Monique est révoltée. Elle veut retrouver Lucien, lui péter sa gueule, faire intervenir le GIGN, téléphoner à Sarko. Jean-Claude la retient. Lucien est un ami d'enfance et lui, Jean-Claude, ne sera pas une balance. Monique ne sait plus trop quoi penser. Elle se dit qu'il a raison, tout compte fait, Lucien ne leur a pas tout pris. Et puis, elle se souvient du compliment qu'il lui a fait. En fait, Lucien, c'est un gentleman. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs. Vous menacez d'une âme quand il détrousse une femme. Il lui fait porter des fleurs. Gentleman cambrioleur est un grand seigneur. Il vient chez vous la nuit sans déranger votre sommeil. Il décroche sans bruit le tableau acheté la veille. Puis avant de partir, après ses coupables travaux, il laisse un mot sur le piano. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Chaque femme a son heure, rêve de voir son visage, de l'actrice à la danseuse, à l'épouse la meilleure. Gentleman cambrioleur est un vrai seigneur. Gentleman Cambrioleur, interprété par Jacques Dutronc en 1974, parce que tu peux être un voleur, mais avoir la classe en plus. Nous voici donc arrivés au terme de notre exploration de l'univers des gangsters, de la bande à Bono à Bonnie and Clyde, de Poniatowski à Spaggiari, du gang des postiches à l'imposture de Lucien. Nous t'avons dressé un panorama subjectif de ce monde si particulier qu'est le banditisme. Alors tu imagines bien que l'histoire du vol se confond avec l'histoire de l'homme. La figure du voleur est commune à toutes les époques et à toutes les civilisations. Dès qu'il y a propriété privée, il y a tentation de voler. Et en plus, quand tu sais que certains pensent que la propriété c'est du vol, grosso modo, on ne s'en sortira jamais. Il y aura toujours des voleurs et donc de l'insécurité pour ceux qui possèdent. Cela dit, l'insécurité, quand tu sais la manipuler, c'est parfois bien pratique quand tu fais de la politique. Un cavalier qui surgit hors de la nuit court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, Zorro, vainqueur, tu l'es à chaque fois. Zorro, Zorro, Zorro, Zorro. D'un Z qui veut aussi dire Zarco. Pour finir, on peut aussi s'intéresser à une bande de jeunes à la cool, le gang de la Rose au Point, dont le chef s'appelle François, surnommé le Hollandais. Ces dernières semaines, le Hollandais a ressoudé le clan après qu'un de ses lieutenants, Lolo le Chauve, avait tenté de le renverser. Maintenant, comme dans toutes les bandes, c'est une histoire de nana qui va semer la zizanie. Sego, la charentaise, la régulière du Hollandais, est en train de mettre le grappin sur le gang. Mais alors, qu'est-ce qui va se trafiquer dans les prochains mois? La grosse mouise, c'est sûr. Pour commencer, il est évident que Jack, le noceur, ne va pas se laisser faire. Chef d'une vieille famille du gang de la Rose, il a beaucoup appris auprès du Pacha, le tonton flingueur, l'ancien caïd de la bande. Jack ne va surtout pas lâcher l'affaire. Ensuite, il y a Dom, surnommé le trésorier de Sarcelles, qui se verrait bien lui aussi à la tête du clan pour faire main basse sur la ville. Enfin, il y a un jeune loup, Nono de la 6ème, qui pourrait bien s'allier, lui, à Lolo le Chauve. Nono et Lolo pour le casse du siècle. Quoi qu'il en soit, pour Sego, la charentaise, il y a du boulot. La colère monte et les mecs se lâchent, il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille, il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille, il va y avoir. Va y avoir du sport, rue de Solferino. Mais moi je reste tranquille. Voilà, fin du 15e épisode, c'était Ces coins gangsters, revue à travers le prisme de notre vaisseau spatio-temporel. Nous, on t'attend dès la semaine prochaine pour une aventure intergalactique toute particulière, intégralement consacrée à la vie de Monique et Jean-Claude, des années 80 à nos jours. Et oui, pour Noël, nous t'offrons un best-of des aventures de nos deux héros. C'était Panique au Mangin Palace, celui à dire mix a été coécrit dans les doigts dans la prise avec Xavier Mauduit, un ami précieux. Merci à lui, au platine, au montage, il y avait Marco Mutel, H2M, merci beaucoup. Merci aussi à Michel Bertin et à Alain Gadan, merci à vous deux. Merci à Amel pour toute la documentation, à Thierry Dupin pour les Scuds, à Catherine Pinto, jeune stagiaire très efficace. Pour le reste, franceinter.com sur le site pour la panique. Après le flash, Patricia Martin pour son émission Philophile. Allez, portez-vous bien et surtout, ne lâchez rien. Ciao. Il y a le feu dans le studio, je continue.